fait aucun doute que la plupart des best-sellers historiques de science-fiction sont de grands romans politiques. 1984 ou Le meilleur des mondes, écrits respectivement avant et après la Seconde Guerre mondiale, nous mettent en garde face à de nouveaux visages du totalitarisme. Dès le départ, le programme de la science-fiction est politique. En construisant des utopies ou des dystopies, ces romans sont des modes de problématisation, un regard, une interprétation du présent projeté sur un monde futur. Mais qu'en est-il aujourd'hui, à l'orée de l'année 2020, au moment où le futur est advenu, où notre monde bascule dans cette dystopie politique et environnementale, la SF est-elle encore politique ? Science-fiction, engagez-vous, c'est le programme militant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dérouler ce programme, les candidats du jour sont en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Gironde à Bordeaux. Natacha Vazdeir, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse associée à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste de la littérature d'anticipation. Nous sommes également en duplex, mais depuis les studios de France Bleu Azur à Nice avec Yannick Rumpala, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'université de Nice, Sophia Antipolis, auteur de Hors des décombres du monde, écologie, science-fiction et éthique du futur. C'est aux éditions Champ Vallon. Et ici, à Paris, à la Maison de la Radio, c'est un peu une super production radiophonique aujourd'hui qu'on vous propose. Norbert Merjanian, bonjour. Bonjour Nicolas. Auteur entre autres des Tours de Samarrande, de Trace Altitude Zéro et d'une nouvelle dans l'ouvrage collectif Au bal des actifs, Demain le travail. C'est aux éditions La Volte, ouvrage collectif avec Que du beau monde, Calvo, Damasio, Licam et j'en passe. Voilà, on vous retrouvera dans une dizaine de minutes puisque avant de glisser le bulletin dans l'urne, elle est la présidente élue chaque semaine de l'actualité scientifique, ce qui fait que c'est une forme de dictature en fait. Bonjour Natacha Trio. Bonjour Nicolas. C'est le journal des sciences. Le journal des sciences. Et pour commencer ce journal des sciences, lundi, c'était la journée mondiale contre le cancer. Une campagne gratuite du dépistage du papillomavirus a été lancée. Elle soulève la question de la couverture vaccinale de cette maladie en France. Oui, c'est un virus qui a une implication très importante en cancérologie. Dans 10% des cas, l'infection persiste et peut entraîner des lésions cancéreuses. Alors cela concerne tout le monde. Il est responsable du cancer du col de l'utérus, qui entraîne 1000 décès par an, mais aussi du cancer de la vulve, du vagin, de l'anus, de la sphère ORL et du pénis. Il existe un vaccin, mais en France, il n'est préconisé que pour les jeunes filles de 11 à 19 ans, alors que dans le monde, 25 pays le recommandent aussi pour les garçons, les États-Unis, la Hollande ou l'Espagne par exemple. Alors mardi, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé réfléchir à étendre la vaccination pour les deux sexes en milieu scolaire en 2019. Tout dépendra de l'avis de la Haute Autorité de Santé qui rendra son verdict d'ici quelques mois. Le professeur Philippe Descamps est chef du service gynécologique obstétrique du CHU d'Angers. Et pour lui, la couverture vaccinale en France est, je cite, catastrophique. Je crois que ce qui est très important de comprendre également, c'est que pour la sphère gynécologique et notamment pour le cancer du col de l'utérus, il faut 10 à 15 ans pour qu'une lésion se développe. Alors, il y a des techniques de dépistage. Avec le nouveau vaccin qu'est le Gardasil 9, on prévient 90% des cancers du col de l'utérus. On prend un retard phénoménal. On est là dans les derniers chiffres à 21% de schéma complet à 16 ans. Je vous rappelle que la vaccination elle est recommandée à l'âge de 11 ans. En France, actuellement on a à peu près une jeune fille sur 5 qui est vaccinée, que l'on n'a pas la recommandation pour les garçons, alors que bien évidemment il faut également vacciner les garçons. Parce que l'on sait, il y a eu 270 millions de doses de vaccins qui ont été prescrites. C'est un vaccin qui est extrêmement surveillé, donc il n'y a aucune augmentation de maladies auto-immunes. On a des études, on sait que le vaccin est efficace chez les garçons. On sait que quand on vaccine les garçons, on réduit la circulation du virus, donc on va diminuer l'incidence des lésions. Parmi les pays qui ont été, pas pionniers, mais enfin qui ont suivi les programmes de vaccination, il y a l'Australie. Et on estime que le cancer du col aura disparu en Australie en 2028 grâce à la vaccination, bien sûr grâce au dépistage, au traitement des lésions. Donc on va éradiquer un cancer dans ces pays-là parce que on vaccine les jeunes gens. Deuxième sujet de ce journal, au Pérou cette fois, l'expédition française 5300 est en route pour la Rinconada, qui est la ville la plus haute du monde, afin de mener des expériences sur l'hypoxie, Natacha. Alors, l'hypoxie, c'est le manque d'oxygène dans l'organisme, et la Rinconada est à 5300 mètres d'altitude, donc à cette altitude, c'est moitié moins d'oxygène par rapport au niveau de la mer. Ces 50 000 habitants vivent donc dans des conditions de survie assez extrêmes. On a assez peu d'informations sur cette population. C'est la première fois qu'une telle étude va être menée là-haut. L'expédition grenobloise va recréer un laboratoire éphémère sur place. Pour le moment, la quinzaine de scientifiques se trouve à Puneau, l'avant-dernière étape du voyage, à 3800 mètres d'altitude. Et l'objectif de cette étude, c'est de mieux comprendre les effets du manque d'oxygène sur le corps humain, mais aussi d'identifier les éléments clés de l'adaptation à la très haute altitude. Samuel Vergès est ancien sportif de haut niveau et chercheur à l'INSERM et au CHU de Grenoble. Il dirige cette mission. Les choses que l'on connaît, c'est que ces populations-là se défendent, je dirais, contre le stress hypoxique, en ayant des adaptations ventilatoires, une augmentation de leur réponse ventilatoire, au moins pour une partie des populations de haute altitude, c'est-à-dire qu'ils ventilent plus d'air pour essayer de compenser au moins en partie la moindre concentration en oxygène de l'air inspiré. Puis, bien sûr, il y a des adaptations hématologiques au niveau du sang avec une production de globules rouges très importante qui permet d'augmenter les capacités de transport du sang. Enfin, on prépare une évaluation vraiment multidimensionnelle qui va de la génétique à l'hématologie, au cardiovasculaire, à l'hémoréologique, c'est-à-dire des études de la fluidité, des qualités des éléments de viscosité du sang, et puis tout ce qui est des éléments vasculaires, la possibilité des vaisseaux à se dilater, la réactivité vasculaire, bien sûr une évaluation cardiaque complète, parce que ce cœur, il est mis à rude épreuve pour pousser un sang qui probablement devient très visqueux, du fait d'une grande quantité de globules rouges. Il est très intéressant, c'est-à-dire de voir en parallèle de cette population de la Rinconada, de voir les réponses au manque d'oxygène de patients qui sont non pas en altitude dans nos pays, mais qui souffrent par exemple de problèmes pulmonaires. Donc l'impact en santé, je dirais, de cette recherche. Mais il a vraiment également un impact sur les évaluations, les traitements des malades, en particulier respiratoires dans nos hôpitaux, qui souffrent aussi d'un stress hypoxique. Et en bref, nouvelle étape judiciaire dans l'affaire du Levothyrox. Le parquet de Marseille a élargi lundi le dossier à celui d'homicide involontaire. Ce médicament qui soigne la thyroïde est très controversé depuis que le laboratoire Merck a changé sa composition en 2017. Depuis des mois, le laboratoire reçoit des milliers de plaintes de malades, victimes de graves effets secondaires. Il y a aussi eu plusieurs décès suite à des AVC. L'enquête va devoir déterminer s'il y a un lien entre ces décès et ce médicament. L'avocat des 200 familles parle d'une crise sanitaire majeure. Le délibéré doit être rendu le 5 mars. Troisième sujet de ce journal des sciences avec l'invention d'une nouvelle imprimante 3D qui utilise la lumière pour sculpter les objets. Cette nouvelle imprimante, on la surnomme Replicator, comme celle de Star Trek. C'est une innovation technologique qui nous vient de Californie. Et cette nouvelle méthode d'impression est à l'opposé des imprimantes 3D traditionnelles. C'est-à-dire que les techniques standards consistent à déposer des couches de résine et à les faire solidifier les unes après les autres. Ici, il s'agit de projeter avec un simple vidéoprojecteur une image en 2D sur un bloc de résine liquide et photosensible. Et par effet de photopolymérisation, cette résine se solidifie au contact de la lumière. Actuellement, il y a de nombreuses recherches qui sont faites pour améliorer les impressions 3D. Le marché est conséquent et florissant, notamment pour le dentaire ou pour la prothèse auditive. Clément Moreau est cofondateur et directeur général de Sculpteo, une start-up d'impression 3D. Il nous en dit un peu plus sur l'ingéniosité de cette invention. Ce qui est vraiment particulier, c'est qu'au lieu de déposer des couches les unes au-dessus des autres, on va polymériser directement dans la masse, dans une résine, en faisant tourner le volume de fabrication. Ça, c'est vraiment une grande nouveauté. C'est une résine métacrylate, c'est ce qu'on appelle PMMA, ou sous sa forme commerciale, plexiglas. Et c'est vraiment dans l'air du temps aujourd'hui de faire des imprimantes 3D qui fabriquent des matières le plus proche possible de ce que le reste de l'industrie connaît. Et ce qu'ils ont fait est vraiment intéressant parce que ils sont partis du constat qu'on pouvait, à partir d'un scanner CT, quand on scanne quelqu'un dans un hôpital, on fait tourner c'est un petit peu comme si on faisait une radio, mais en faisant tourner selon l'axe de la personne. Et à partir de ces différentes radios, on peut reconstruire sur l'ordinateur le volume de la personne et espérer que ça fonctionne. Et là, ça fonctionne puisque finalement, en déposant de l'énergie avec ce vidéoprojecteur et en faisant tourner le volume, on arrive à polymériser seulement les zones qu'on avait envie de fabriquer. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on va pouvoir avoir des machines qui sont petites, qui travaille sur des résines sans partie mécanique. Donc ça offre l'idée que la machine va être probablement moins chère, avec un vidéoprojecteur simple, c'est-à-dire que là on ne parle pas de laser, on parle d'un projecteur dans la lumière visible en plus. Donc on est vraiment sur la possibilité de faire du pas cher avec des technologies résines plutôt poussées. En bref, l'agence Santé publique France vient de publier son baromètre santé. Le taux de suicide en France est l'un des plus élevés en Europe. On recense près de 9000 suicides par an en France, hein, et les régions les plus touchées sont la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Ce sont les jeunes filles de 15 à 19 ans qui sont les plus concernées, ainsi que les hommes de plus de 50 ans. Dans les facteurs de risque, on note le fait d'être une femme, la précarité financière, le chômage, le célibat, le divorce, le deuil et les troubles dépressifs. Le rapport évoque aussi l'impact de la récession économique de ces dernières années. Et on estime que le suicide est la 14e cause de mortalité dans le monde. Il reste un problème de santé publique majeur. Grâce à son télescope spatial Hubble, la NASA a découvert l'existence d'une galaxie proche de la nôtre. Et la NASA a fait cette découverte complètement par hasard. Cette galaxie se trouve à 30 millions d'années-lumière de la nôtre. Elle a été baptisée Bedin 1. C'est une galaxie naine. Elle mesure 3000 années-lumière. En comparaison à notre Voie lactée, on fait 100 000. Et elle serait vieille de 13 milliards d'années et serait donc une des toutes premières galaxies de notre univers. Et pour finir, comme chaque semaine, par la rubrique de science improbable, une pratique qui se répand et qui inquiète les gynécologues, Natacha, c'est l'introduction de persil dans le vagin. Oui, c'est Internet et ses conseils farfelus. Il y a deux semaines, le site de Marie-Claire, dans son édition anglaise, nous apprenait que mettre du persil frais dans un vagin, en feuille ou en branche, permettait de provoquer les règles. Alors, la plante aurait des vertus héménogoques qui stimuleraient le flux sanguin. La nouvelle s'est répandue, cela a provoqué la colère des gynécologues sur le web. Parce que déjà, cela n'a jamais été prouvé par la science. Et surtout, les médecins rappellent que cette pratique est dangereuse et qu'elle provoque des infections. Voilà, le persil, c'est bien, mais que dans le taboulé. Eh bien, bon appétit. Si vous êtes à table, merci beaucoup, Natacha. Et à la semaine prochaine. Le monde qui marche. En guitare, entièrement automatique. Qui veut tenir? Sous l'autorité du citoyen, c'est le peuple qui assure un meilleur futur. Veux-tu en savoir davantage? Crime et châtiment. Un meurtrier a été capturé et jugé aujourd'hui. Condamné. Sentence, la mort. Exécution ce soir à 6h. Tous les réseaux, toutes les chaînes. Veux-tu en savoir davantage? Es-tu métapsychique? Si tu te crois métapsychique, il est possible que tu le sois. Des études fédérales sont menées dans ta communauté. Veux-tu en savoir davantage? Attention, tous les écoliers savent que les arachnides sont dangereux. Mais des extrémistes mormons ont fait fi des avertissements fédéraux et ont fondé Port Joe Smith, profondément en zone de quarantaine des arachnides. Trop tard, se sont-ils rendus compte que Nantana avait déjà été choisi par d'autres colons, les arachnides. Veux-tu en savoir davantage? Veux-tu en savoir davantage? Would you like to know more? Ce refrain extrait du film Starship Trooper de Paul Verhoeven et sa critique au vitriol des médias à la botte du pouvoir, inspiré du roman de Robert Heinlein de 1959. La science-fiction serait donc par essence une littérature critique, une littérature politique en ce qu'elle propose dans la projection vers le futur, un regard donc critique sur le présent. De nombreux auteurs d'anticipation se targuent d'ailleurs d'avoir un rôle de sentinelle, d'alerter le public sur les dérives de nos sociétés. Mais aujourd'hui, à l'orée de l'an 2020, alors que nous nous enfonçons doucement mais sûrement dans les dystopies pourtant décrites par ces lanceurs d'alerte, société de la surveillance, résurgence des pouvoirs populistes, liberticide, apocalypse écologique en cours, que peut la science-fiction? Quel discours est-elle en mesure de produire? Est-elle encore une littérature engagée? Ce sont les questions auxquelles nous allons tâcher de répondre au cours de cette heure avec Natacha Vazdeir, qui est avec nous en duplex depuis Bordeaux, qui est enseignante-chercheuse à l'université de Bordeaux-Montaigne, avec Yannick Rumpala, qui est en duplex depuis Nice, qui est maître de conférences en sciences politiques et auteur de Hors des décombres du monde, écologie, science-fiction et éthique du futur aux éditions Champvallon, et avec, ici à Paris, Norbert Merjanian, auteur entre autres d'une nouvelle dans l'ouvrage collectif au bal des actifs, demain le travail aux éditions La Volte. De vous faire réagir à ces différentes questions et peut-être même à cet extrait de Starship Trooper, nous sommes allés fouiller dans les archives de la méthode scientifique et on a trouvé cet extrait de l'émission que nous avions passé passé avec Alain Damasio le 30 décembre 2016 et écoutez ce qu'il répond à la politisation de la science-fiction française. C'est très étonnant d'ailleurs en France à quel point les trois quarts de la science-fiction française est très politique aujourd'hui. Et même extrêmement à gauche, on a très peu, à ma connaissance, même il n'y en a aucun écrivain de science-fiction d'extrême droite. Il y en a aux États-Unis, mais en France, on a cette chance, on échappe à ça. Donc ça reste très politisé. Les États-Unis, hein, quelques-uns. Hein. Ah ouais, Dan Simmons, il est très très à droite. Ce qui est toujours surprenant pour moi, parce que pour moi, comme c'est quand même l'art, c'est peut-être un des gens les plus libres, les plus libérés et les plus ouverts qui soient. Ça me paraît toujours difficile de ramener ça sur des enjeux identitaires ou historiques. Je trouve qu'au contraire, on est dans le vaste, on est dans l'ouvert, et ça me paraît complètement naturel que les auteurs de SF se tournent vers un tropisme à gauche comme ça. Dan Simmons qui a écrit des chefs-d'œuvre, il décrit des sociétés dystopiques où les États-Unis se sont effondrés à force de laisser filer la dette, à force de donner des prestations sociales, et bien d'un seul coup, on pouvait plus, l'État est tombé en faillite, factions privées ont récupéré les États. Non mais il y a un imaginaire de la droite conservatrice, qui est un imaginaire de SF qui existe aussi. Et qui est très peu présent en France. En France, on a une science-fiction que j'appelle soft science-fiction, c'est-à-dire c'est une science-fiction de science molle, c'est-à-dire liée vraiment aux sciences humaines type philo, avec une inspiration philo forte, sociologique forte, psycho forte aussi. Et c'est une chance, moi je trouve, parce qu'elle permet d'interroger vraiment l'état de la société. Alain Damasio, donc c'était le 30 décembre 2016. Une réaction, je vois sourire dans Bernard Merjanian. Oui, mais c'est difficile d'abord de pas être d'accord avec Alain et ensuite de continuer tellement son verbe est fort. Non, moi pour entrer dans le vif du sujet, je pense que c'est absolument pas un hasard, parce que le propre de la SF, à mon sens, c'est d'incarner des idées. Et donc de donner chair à ces idées, de les rendre organiques et vivantes et humaines. Et dès lors qu'on incarne des idées et qu'on les balance dans une fiction, les idées vont se rencontrer, vont se frotter, vont se tordre, vont se pulvériser, et on arrive tout de suite à de l'hybridation. Et donc là, une des forces de la science-fiction, c'est ça, c'est de prendre le monde des idées, qui est peut-être formalisé par la science et la philosophie, et de l'incarner, d'en faire de la chair, d'en faire de l'humain, d'en faire du vivant, et d'amener ces idées, du coup, à s'hybrider. Et c'est cette hybridation qui fait que la science-fiction est particulièrement fertile et qu'elle a un vrai rôle politique, alors que le monde politique a tendance à figer et à mettre ces mêmes idées dans des cases et à les figer. Et juste donc pour rebondir par rapport à ce que disait Alain sur le l'engagement plutôt très à gauche de la SF française, là aussi je pense que c'est vraiment pas un hasard, parce que je dirais que c'est une SF qui s'inspire aussi de l'histoire française, et l'histoire politique française le plus intéressant à mon sens vient de la gauche, quoi. Alors qu'on est plutôt sur une terre qu'on dit traditionnellement ancrée le cœur à droite. Natacha Vazdaïr, peut-être un mot en réaction à ce que vous avez entendu d'Alain Damasio. L'ASF, avant d'élargir notre propos à toute la science-fiction, l'ASF française, une SF de gauche, c'est une SF ontologiquement engagée. Oui, surtout, je pense, historiquement engagé. Alors, comme en complément de ce que dit Norbert, bien sûr, il y a le rapport à notre histoire, à la Révolution, à cette littérature donc générale critique, mais aussi et surtout parce que en France, il a quand même existé une très forte tradition donc littéraire utopique, hein, littérature utopique, comme par exemple, je cite Cyrano de Bergerac, hein, Les États et Empires donc de la Lune, donc au tout début du XVIIe siècle, et puis. Puis, je crois qu'il y a une filiation entre l'utopie qui propose en fait un ailleurs politique, et puis petit à petit, évidemment, qui va se transformer au XIXe siècle, donc qui va aller vers la science-fiction, hein, après la révolution industrielle. Et puis, je crois quand même qu'il y a des auteurs qui sont justement à la charnière entre ces deux éléments littéraires, comme par exemple Émile Zola avec son Utopie de travail en 1901, l'anarchiste Jean Gras avec Terre libre en 1908, l'histoire de 4 ans de Daniel Alivi en 1903, les utopies de Louise Michel. Régis Messac en 35 et en 37 avec Queens and the City par exemple et La Cité des Asphyxiés. Donc tous ces gens-là sont très très marqués évidemment politiquement à gauche. Et puis alors je fais un bond de quelques dizaines d'années, mais historiquement dans les années 70, eh bien la science-fiction française elle est très clairement politisée, militante donc à l'extrême gauche. Enfin on en reparlera sûrement avec Yannick après quand on parlera de l'écologie. Mais enfin c'est le début de la prise de conscience écologique, la peur du nucléaire. Donc c'est vraiment la revendication d'une SF qui va non seulement faire esthétiquement table rase du passé, hein, Bernard Blanc dit pourquoi j'ai tué Jules Verne, mais c'est aussi donc des auteurs très engagés comme Jean-Pierre Andrevon, donc Bernard Blanc, Dominique Gouet, Michel Jury, Joël Houssin, vraiment très très engagés donc à gauche. Une science-fiction militante qui va d'ailleurs presque lasser ses lecteurs. Donc effectivement, bah, aujourd'hui, les auteurs contemporains, je pense, sont des héritiers de toute cette tradition historique et littéraire. Ça, c'est absolument indéniable. Yannick Rumpala. Oui, je dirais aussi que majoritairement, oui, elle est plutôt à gauche. Mais ça dépendrait quand même de quelle définition on donne à la science-fiction et comment est-ce qu'on définit les positions idéologiques. Et après tout, on pourrait considérer Michel Houellebecq comme également un auteur de SF. Ou même Maurice Dantec, à certains égards, dont la fin de carrière n'a pas été, on peut le dire, quand même plutôt marquée à gauche. Et même quelqu'un comme Jean-Christophe Ruffin, si on l'inclut dans le corpus SF avec Globalia, n'est pas non plus clairement marquée à gauche. Alors, j'ajouterais aussi qu'il faudrait peut-être regarder dans la période plus récente. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques thématiques identitaires, ou sur l'Europe par exemple, qui peuvent imprégner quelques œuvres, et ça mériterait d'être vérifié. Mais enfin, majoritairement, oui, l'argument d'Anna Damasio est plutôt quelque chose qui se vérifie. Qu'est-ce qui fait de la science-fiction, parmi les autres genres de l'imaginaire, un genre éminemment politique, Yannick Rumpala? Est-ce que c'est parce que c'est associé à l'idée de progrès, et parce que c'est associé, comme vient de le dire Natacha Vazder, à une littérature qui se rapproche de la littérature utopique ou dystopique? Est-ce que, par exemple, si on compare ça à la fantasy ou au polar, il y a évidemment une école du polar engagée, mais ça n'est pas ontologique, pour reprendre ce mot-là, ça n'est pas vraiment dans l'ADN de ces littératures-là, contrairement à la SF. Alors, oui, je dirais d'abord que ça dépend de la définition qu'on donne du mot politique. Voilà. Oui, c'est là-dessus que je voulais vous entendre. C'est clairement l'enjeu. Moi, je considère, enfin, c'est ma position, qu'elle est intrinsèquement politique, la SF, parce qu'elle problématise et qu'elle amène à poser des questions sur toute une série d'enjeux sur lesquels on ne serait pas forcément posé des questions. Donc, je dirais un petit peu, et en rejoignant des positions comme celle du grand théoricien Frederick Jameson, qu'il y a toujours un inconscient politique dans la SF, quelle qu'elle soit, enfin, et dans la littérature notamment. Et par effectivement le fait de problématiser, de mettre en question, de mettre dans des situations concrètes des enjeux auxquels on n'aurait pas forcément réfléchi d'une autre manière. Donc ça serait plutôt le premier versant. Et puis après, il y aurait une autre manière de définir politique en parlant d'une science-fiction politisée, ou pour le coup engagée. Et là, ça serait une autre manière de considérer la question, en considérant en effet que certains auteurs souhaitent défendre des positions plus idéologiques ou souhaitent insérer dans leur œuvre des aspects idéologiques ou des prises de position qui soient plus marquées. Et ça serait deux angles différents pour le coup. Norbert Marjonian, sur ces questions-là. Oui, moi, je même dans son esthétique, la science-fiction est engagée. Quand on prend, moi, je vais prendre un exemple peut-être un peu qui va faire sourire, mais qui m'interroge beaucoup. C'est en ce moment, c'est les gilets jaunes. Le gilet jaune, c'est un objet transitionnel qui permet de devenir visible alors qu'on était invisible. Et une grande partie, il y a énormément de héros de science-fiction qui, à l'origine, sont des gens invisibles, plus ou moins broyés par un système indifférent ou destructeur, et qui se rendent visibles par un objet transitionnel. Évidemment, le super-héros, c'est le prototype de ça. Et il me semble que dans l'inconscient, le choix, qui est un choix génial de s'être rendu visible par cet objet et d'avoir du coup de refaire corps avec la société, c'est typiquement une esthétique SF. Et donc on pourrait même, moi j'aurais tendance à dire que le gilet jaune est un héros de SF. Et par contraste, le personnage gouvernemental actuel, c'est un agent de Matrix, c'est-à-dire c'est le costard-cravate. qui est complètement déshumanisé et qui lui aussi a un objet transitionnel qui est celui de la statistique, du discours froid et déshumanisé. Donc même dans son esthétique, je pense que quelque part cette esthétique baigne, imprègne l'imaginaire des gens et qu'il participe de certains actes et certains choix comme celui-là. Comme celui qu'on vient de vivre, qu'on vit en ce moment. C'est la dystopie advenue que j'évoquais tout à l'heure. Natacha Vazders, je vous entendais sourire au propos de Norbert Marjanian. Oui, c'est une belle expression, entendre sourire. Oui, non. Je réfléchissais par rapport donc à ces personnages donc de presque de littérature que sont les Gilets jaunes. Je pense qu'il y aura d'ici quelques temps un écrivain qui va s'emparer complètement de cette révolte populaire. Et je voulais juste dire que en fait je crois que la science-fiction c'est vraiment un outil épistémologique qui permettrait de mieux penser l'histoire et en même temps d'être un miroir informant sur les valeurs d'une époque ou d'une période donnée. Et puis par rapport à ce que disait Norbert, les personnages de rebelles, notamment dans la science-fiction contemporaine, sont quand même légion, c'est-à-dire que le héros qui va s'opposer, on y reviendra peut-être, à la société libérale capitaliste, il y en a beaucoup, par exemple, dans les romans de Pierre Bordage, dans les romans de Serge Lehmann, dans les romans du regretté, évidemment, Heyerdahl, je pense à Chronique d'un rêve enclavé, même si c'est un petit peu médiévalisant ou plutôt de la fantaisie d'ailleurs ce roman-là. Et puis je pense aussi donc à une écrivaine, Catherine Dufour, qui est totalement engagée dans ses écrits, notamment je crois qu'elle a participé au dernier recueil de La Volte, tout à fait, au bal des actifs demain le travail, elle a un des textes, voilà, exactement. Et là, le point commun de tous ces auteurs, c'est non seulement évidemment d'essayer, on va dire, de mettre en forme d'un point de vue littéraire et esthétique donc la révolte via effectivement des personnages extrêmement forts, et c'est un petit peu finalement un fantasme de révolution qui est tout à fait permanent et tout à fait intéressant dans la science-fiction. L'utilisation de la science-fiction comme moyen de problématisation au sens de Michel Foucault, c'est-à-dire au moyen de problématiser la manière dont les choses, de poser la manière dont les choses font problème, c'est ce qui fait de cette littérature, Yannick Rumpala, une littérature intrinsèquement engagée. Pour moi, oui. Pour rebondir un petit peu sur les Gilets jaunes, la révolte antifiscale, on l'a trouvé déjà à certains égards, c'est chez Robert Heinlein, dans certains de ses écrits, et avec des positions pour le coup pas très à gauche et plutôt libertariennes. Mais oui, pour rebondir effectivement sur l'aspect problématisation, c'est le fait de faire sortir de l'évidence, de changer le regard, de défamiliariser, de distancier cognitivement, comme disait le grand théoricien Dirk Kosovin, et d'amener à poser des questions sur des enjeux qui effectivement auraient paru évidents. Typiquement, pour prendre un enjeu qui est montré actuellement, qui est celui des intelligences artificielles, en fait, une bonne partie des enjeux ont déjà été d'une certaine manière problématisés par la science-fiction, et pour le coup par des mises en scène et des qui permettent d'articuler des questions qu'on commence à trouver dans la littérature plus sérieuse et académique. Et justement, alors pour revenir dans le cœur de la problématique de cette émission, c'est ce que vient de dire Norbert Marjanian. On est effectivement en plein dedans. C'est l'idée de dire qu'aujourd'hui, donc en 2019-2020, le futur dystopique est en train d'advenir devant nos yeux. On parlera de l'environnement et de la catastrophe environnementale qui est en cours, mais ce que vous décrivez, Norbert Marjanian, c'est ça. C'est-à-dire de dire qu'on est en train d'entrer de plein pied dans ce futur dystopique dont nous parle la littérature de science-fiction depuis 50, 60, 100 ans peut-être. Aujourd'hui, est-ce que finalement la littérature de science-fiction aujourd'hui n'est plus une littérature d'anticipation futuriste, mais finalement une littérature de commentaire du présent ? Non, moi je m'inscris complètement faux par rapport à cette idée. Il y a des thèmes... Le premier point, c'est par rapport à la situation actuelle, qui est effectivement dystopique, qui devient dystopique, et manifestement dystopique sous nos yeux. Tout le mouvement cyberpunk l'a décrit, d'autres mouvements de la science-fiction, et on est simplement dans un niveau d'intensité plus grand qu'au moment où ces auteurs l'ont décrit. Donc on a un changement d'intensité, mais pas de qualité. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels la science-fiction anticipe aujourd'hui. Par exemple, ça c'est un des sujets qui sont propres à par exemple une autrice comme comme Sabrina Calvo qui est également dans le recueil que nous soutenons tout à l'heure. Voilà, et qui m'a suggéré cette idée, et Anne Calvo. Donc c'est par exemple le Cyborg Manifesto de Donna Haraway, qui est l'idée que le cyborg est un être hybride qui dépasse la question du genre. Et donc on peut repenser toute la question de l'identité humaine au-delà du genre, et en imaginant là vraiment, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'hybridation des idées, en imaginant une identité humaine qui traverse totalement la normalisation genrée de la société telle qu'on la connaît. Et là, bon, c'est un des sujets où la science-fiction est très engagée, où il y a énormément d'écrits à l'heure actuelle, et Donna Haraway d'ailleurs a été reprise dans Ghost in the Shell en 2004 comme un personnage. Donc en plus il y a des rebonds permanents dans le million SF, ça c'est un truc qu'on adore faire. Et sur la question par rapport à la dystopie, ce qui est évident aujourd'hui, c'est que ce qui nous a été demandé depuis pas mal d'années, c'est vous êtes des champions de l'alerte à la dystopie. Quand est-ce que vous nous faites un peu rêver par rapport à une utopie, par rapport à une vision un futur un peu souhaitable. Et il y a des travaux, on y travaille. C'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile à faire. On y travaille. Et je pense que là encore, on a tous les outils aujourd'hui pour en fait, même d'un point de vue politique, on sait qu'on a absolument tous les outils pour d'une transition du passage à une autre forme de société. C'est plutôt donc comment on fait et comment ça s'incarne, comment ça se réalise. Et au fond, on est presque à un moment de bascule aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que Natasha Vazder, est-ce qu'effectivement la littérature de science-fiction ne souffre pas d'une certaine manière de cet engagement ontologique, comme vient de le dire Norbert Marjanian, de cette dystopie à laquelle, autour de laquelle nous alertent tous les auteurs de science-fiction depuis des dizaines d'années, qui est en train d'advenir et qui fait qu'aujourd'hui on constate cet écart dont on a beaucoup parlé à ce micro, entre un appétit féroce de science-fiction, mais de science-fiction de divertissement, au cinéma, en série, c'est-à-dire de science-fiction un peu neutralisée, et finalement bien une défiance, ou en tout cas quelque chose qui ne se traduit pas dans les ventes de livres, qui ne se retrouve pas dans les librairies, dans la lecture de la science-fiction contemporaine. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors je crois qu'il y a tout à fait un paradoxe en fait dans la SF, qui est à la fois effectivement divertissement et en même temps avertissement. Je crois que parfois ça va même au-delà de l'avertissement, parce que je pense à par exemple trois romans. Alors je vais citer deux français et un roman étranger qui sont vraiment complètement ancré dans notre présence. C'est par exemple Wang de Pierre Bordage qui mettait en scène justement une Europe extrêmement, enfin plus que frileuse, hein, qui a peur effectivement des vagues d'immigration et qui construit un gigantesque mur. On n'y est pas encore tout à fait, mais presque. Big Sister par exemple de Jérôme Leroy. Alors Jérôme Leroy, c'est intéressant parce qu'il travaille aussi dans le polar, qui essaie de nous montrer une société de surveillance qui va se réaliser grâce finalement à une centralisation, à un ordinateur qui va centraliser justement toutes les données numériques. On y est quasiment presque. Et puis, un roman qui m'a très fortement marqué, qui est Love Star de André Snæhre Magnason, qui est un auteur donc islandais, qui a eu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2016, et qui montre en fait la mise en scène du pouvoir des GAFA actuels. Alors évidemment, c'est une entreprise fictive hein, dans le roman, mais qui montre comment les GAFA vont finalement prendre le pouvoir sur notre vie, notre mort, l'amour, le travail, etc. Et donc, c'est un petit peu comme si bien les États avaient littéralement baissé les bras, et comme si les États avaient été vendus, comme c'est le cas par exemple dans le Foss de Serge Lehmann en 95. Mais là, on est quand même beaucoup plus proche de notre réalité. Donc du coup, dans la littérature, et puis je crois que les auteurs français, ils ont quand même énormément de mal à sortir, et Norbert l'a très très bien dit, il y a une tradition extrêmement forte de pessimisme ambiant et puis de peur hein, dans la science-fiction française. Et donc, eh bien, quand on leur demande hein, d'écrire dire, de l'alternative, eh bien, c'est toujours compliqué parce qu'il faut tordre le cou, en quelque sorte, à cet ADN structurel de la science-fiction française qui est le pessimisme, hein, la peur de l'avenir. Bon, il y a quand même des petites exceptions. Je pensais, par exemple, à une, moi, qui m'avait beaucoup plu, d'Ayerdal. C'est Demain une oasis. Et c'est, en quelque sorte, eh bien, la terraformation des déserts d'Afrique qui est rendue possible. Bon, voilà, ça, c'est une belle image. Je vais peut-être terminer là-dessus, mais voilà, c'est exactement ça. Et il y a vraiment ce paradoxe entre littérature de divertissement et puis science-fiction, littérature de divertissement et cinéma de divertissement et littérature d'avertissement. Le cinéma, c'est plus compliqué, et puis on n'a peut-être pas trop le temps d'en parler là, mais ça, c'est le paradoxe de la science-fiction, c'est sûr. On pourra peut-être en redire un mot tout à l'heure. Yannick Rumpala, justement, j'aimerais vous entendre sur la rétrécissement du champ de vision compte tenu de l'entrée dans la dystopie, c'est-à-dire le fait que finalement ce qui était anticipé est en train d'advenir et que d'un seul coup il y a une sorte de myopie de la science-fiction qui a du mal à se projeter au-delà de ce mur dystopique qu'elle annonçait contre lequel elle nous avait alerté depuis des années. Tout à fait, ça a été aussi une des motivations du livre que j'ai écrit, c'était de faire réémerger les alternatives aux dystopies, et j'avoue qu'il m'a fallu faire quand même quelques efforts pour en trouver. Et donc j'arrive à faire une typologie malgré tout, mais sur un échantillon qui est relativement limité, tant dominent en effet les formes de dystopie plus ou moins variées. Alors après, je dirais que ça varie aussi peut-être en fonction des littératures. Quand on disait tout à l'heure qu'elles ne marchent pas, enfin quand on regarde quand même du côté du young adult, c'est quand même une des branches qui marche le mieux avec les Hunger Games, les Divergentes, etc. Et de même au cinéma, enfin c'est devenu un filon à part entière qui marche pour le coup très bien. Et je dirais même que les exemples cinématographiques sont extrêmement marqués par la présence des dystopies, quoi. Et hormis des films comme Tomorrowland, ce genre de film, enfin, la trouver des Brad des Bird, formes... un magnifique film sur Justopie, une sorte d'utopie rêvée de la science-fiction des années 50, avec George Clooney entre autres, qu'on conseille volontiers. Partager ça. Ah, moi j'aime beaucoup Tomorrowland, mais bon. Mais pour revenir aux dystopies, enfin voilà, on prend les derniers exemples de grands films de SF. La tonalité, elle est quand même plutôt pessimiste. Et je dirais que c'est assez logique vu l'état du monde. Enfin, il suffit de prendre une série d'indices dans le monde qui nous entoure pour tirer assez rapidement un fil qui est peu optimiste et plutôt dystopique, sans surprise. Justement, à propos de cette ère qui est advenue de cette dystopie que l'on a et que nous portons tous finalement dans notre poche, écoutez également ce qu'en disait Alain Damasio dans la méthode scientifique du 30 décembre 2016. Là, j'ai sorti justement un petit livre qui s'appelle « Dehors toute chose » pour reparler 20 ans après de tout ce que j'avais raté dans l'anticipation justement de la zone du dehors. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce régime de contrôle que j'essayais de mettre en place, de définir, je l'arc-boute encore dans la zone du dehors, aux caméras, à la surveillance biométrique, à un peu les colis électroniques, etc. Mais j'anticipe absolument pas qu'il va être auto-endossé, ce contrôle, par le smartphone, qui va être un outil effectivement de géolocalisation et d'auto-localisation parfait, et qu'il va être en plus avec un taux de pénétration de 98-99% aujourd'hui, et tout ça au nom de petites commodités, au nom d'usages facilitants, au nom d'une fluidité de nos modes de vie. Et c'est extraordinaire parce qu'on assume et on auto applique à nous-mêmes ce contrôle. Qu'est-ce qui se passe pour l'imaginaire d'un auteur de science-fiction dans Robert Marjanian quand la réalité dépasse à ce point-là finalement les scénarios les plus pessimistes? C'est un moteur extraordinaire et moi je reviens, alors je pense quand même que l'auteur de science-fiction c'est un obsessionnel paranoïaque, et un obsessionnel paranoïaque il va appliquer sans arrêt les mêmes schèmes à des réalités diverses, et à certains moments tout se brouille et à d'autres moments il y a une émergence, il y a une idée qui émerge. Je donne un exemple, c'est par exemple un vieux, très très vieux, une vieille ancienne de la SF, c'est la voix des machines et la voix organique qu'on retrouve chez Bruce Sterling, qu'on retrouve dès l'origine de la cybernétique dans les années 50. Et aujourd'hui, je pense que cette question, et donc aujourd'hui on est avec le Cyborg Manifesto, on est sur une hybridation qui se veut presque platonicienne, c'est-à-dire au niveau de l'idée et ensuite sa réalisation. Mais je pense que c'est encore un moteur, cette opposition-là extrêmement forte. Et il me semble que un des champs que la SF a peu abordé, a encore trop peu abordé, non, ça a été abordé, mais beaucoup trop peu, c'est l'intelligence et la technologie du vivant. Il y a beaucoup de choses à faire par là. Je pense que moi, j'ai beaucoup d'espoir sur le fait que la société, une société intelligente a beaucoup à inspirer de l'intelligence du vivant, et notamment des formes de coopération dans le vivant. Et puis, un autre point très important pour moi, c'est que s'il y a un peu de s'il y a du désespoir dans la littérature de SF dans ces dernières décennies, c'est parce que très souvent c'est un individu ou quelques individus ou un petit groupe d'individus qui s'opposent à un système. Et je pense que on est aujourd'hui à l'heure de la bascule et qu'il faut des fictions qui, c'est ce que fait notamment Alain, des fictions qui mettent en scène, qui permettent d'incarner une opposition qui n'est plus simplement individuelle, mais qui ne peut être que collective. Voter, oh voter, ask your congressman, what did he do in Congress since his term began? Did he vote for the people or for a monopoly? Did he vote for full employment and job security? Did he dawdle and did he dally? Or was he earning his salary? Oh voter, oh voter, election day is near, and many a man in Congress is gonna shed a tear. Who killed minimum wages and health insurance bills? They're gonna lose their lodging up there on Capitol Hill. Cause they dawdled and cause they dallied, they were not earning their salary. Oh voter, oh voter, get back the PAC, re-elect the men to Congress that work for you and me. Let's oust the politicians who scorn the people's will. We'll get a people's Congress up there on Capitol Hill. They won't dawdle and they won't dally, they'll be earning their salary. Don't you dawdle and don't you dally, you got to rally with PAC. Oh don't you dawdle and don't you dally, you got to rally with PAC. Et oui, on néglige souvent le fait que 1 minute 15 de folk au banjo est bon pour l'équilibre mental. C'était Voteur au voteur de Pete Seeger, puisque nous parlons donc de... Ça fait beaucoup rire Norbert Merdagnan. Nous parlons donc de science-fiction et de science-fiction politique tout au long de cette heure, en compagnie donc de Norbert Merdagnan, qui est avec moi ici à la Maison de la Radio, auteur, entre autres, de Au bal des actifs, d'une nouvelle dans l'ouvrage collectif Au bal des actifs, Demain, Le travail, cette édition, La Volte. Et puis nous sommes en duplex depuis Nice avec Yannick Rumpala, auteur de Hors des décombres du monde, écologie, science-fiction et éthique du futur, et en duplex depuis Bordeaux avec Natacha Vasdeir, pardon, qui est enseignante chercheuse associée à l'université de Bordeaux-Montaigne. Yannick Rumpala, parlez-nous un peu justement de l'origine de votre réflexion qui vous conduit à rédiger ce livre Hors des décombres du monde. Quel est votre point de départ en fait? Alors peut-être un petit mot quand même pour rebondir sur le propos précédent. Oui. Moi, ce qui me frappe aussi dans la science-fiction, dans son évolution récente, c'est la quasi-disparition des acteurs collectifs et des mobilisations collectives. Trouver les livres où on trouve encore des syndicats ou des formes d'action collective organisées devient extrêmement rare. Et c'est assez fréquent. Là, je suis en train de retravailler sur le cyberpunk. Et pour le coup, c'est une espèce d'intonciation, enfin de l'érection de l'acteur individuel comme force de transformation sociale, et ça devient de plus en plus rare de trouver des logiques collectives d'action qui puissent renverser effectivement un système, comme si tout allait pouvoir se faire par cette espèce de héros ou de capacité héroïque permettant à lui seul de transformer un monde. Et c'est assez frappant hein, dans l'évolution des imaginaires. Et voilà, si on arrive à trouver un syndicat dans une œuvre récente, moi je suis, ou quelque chose qui y ressemble, je serais très très intéressé. Alors je vais rebondir à Norbert Merdagnan, cette question du collectif. C'est intéressant parce que c'est... Oui, moi je pense que justement le collectif c'est vraiment au cœur, c'est-à-dire que mais il est à réinventer, il est complètement à réinventer. L'item syndicat, à mon sens, devrait se réinventer lui-même déjà. Ça ferait avancer les choses. Et donc c'est notre boulot, et moi c'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui, c'est de penser des collectifs totalement différents. Donc de penser aussi, on est encore au cœur de la question de la politique. C'est comment, par exemple, moi une question qui me travaille sur un projet qui s'appelle Osmose et qui confronte une utopie océane à une dystopie continentale, c'est comment sur un bateau on peut sortir de la tyrannie du commandant et comment est-ce qu'on peut s'organiser de façon horizontale sur un bateau de façon efficace. Et le bateau me paraît, c'est une métaphore intéressante et très concrète aussi. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'une vraie démocratie marche sur un bateau? Depuis, pour rebondir sur ce que vous disiez, Yannick Rumpala, depuis 30 ans, le collectif dans la science-fiction, c'est le collectif que nous vend le cyberpunk, c'est le collectif de Gibson et de Sterling, ce sont les corporations, c'est-à-dire que les corporations sont collectives, effectivement, et c'est cette collectivité qui broie l'individu. Donc, il y a bien un collectif qui existe tout de même dans cette littérature de science-fiction. Ou alors on le retrouve de manière marginale dans des tentatives de recréation de collectifs, je pense à un comics comme Great Pacific, où l'espèce de masse de déchets qui traîne dans le Pacifique est ressaisie comme une manière de construire un nouveau continent et d'installer un nouveau type d'organisation sociale à partir de cette entité géographique complètement nouvelle. Donc il y a quelques tentatives de ce type qui existent, mais j'avoue qu'elles sont plus rares quand même. Je pense aussi à peut-être la meilleure série de science-fiction de l'histoire de la télévision et certainement qui est également la série la plus politique, Battlestar Galactica, qui quand même pense aussi à reconstituer la collectivité de l'humanité quand il ne reste plus que 40 000 personnes à sauver, et donc à repenser justement l'organisation en collectif, c'est-à-dire quid du pouvoir civil, quid du pouvoir militaire, quid du travail, et de leur rapport entre eux. Il y a quelque chose quand même là aussi, quid d'ailleurs de la renaissance de religion, du culte, du statut de Baltar, enfin il y a quand même quelque chose là aussi de la pensée, de la réorganisation d'une société qui a été exterminée, qui à mon avis assez intéressante, non ? Mais c'est plutôt avec les anciennes briques et dans une forme de réassemblage de briques qui étaient déjà relativement connues. Donc il n'y a pas de véritable nouveauté. Et en fait, quand on regarde dans l'évolution de la série, c'est quand même plutôt un mode d'organisation qui était déjà bien connu, qui se remet en place, et y compris avec les modes de publicisation qui existent auparavant, les conférences de presse de la présidente, enfin qui reproduisent quasiment trait pour trait ce qu'on trouvait dans le modèle américain auparavant. Natacha Vazder, sur ces questions ? Oui, alors moi je crois que dans le cyberpunk, hein, pour reprendre l'idée d'Yannick, en fait, est-ce que c'est vraiment un collectif ? Moi je crois que c'est surtout une entreprise, donc effectivement c'est une entité, mais c'est une entité très souvent qui est désincarnée, qui est totalement déshumanisée, et dans le cyberpunk on a quand même la présence d'IA qui vont gérer finalement ces soi-disant collectifs. Oui c'est ça, on a une entité mais on n'a pas d'humain en face, et donc en réalité l'individu se retrouve dans la science-fiction, l'individu se retrouve complètement broyé par ces entités, mais en aucun cas, je crois que derrière ça, il y a effectivement l'envie de reconstruire du collectif. Et pour reprendre aussi l'idée du syndicat dans la science-fiction, c'est vrai que ça, c'est un groupement collectif qui a totalement disparu de la science-fiction contemporaine. On en retrouve quasiment plus. Et peut-être parce que la forme syndicale qui est née à la fin du 19e siècle, eh bien, ne correspond plus du tout, finalement, à l'esprit individualiste contemporain. Donc c'est à la fois, il faut reconstruire, je crois qu'il faut reconstruire aussi une nouvelle communication, et on le voit bien à travers les réseaux sociaux, ce qui n'est pas très très facile, hein, parce que effectivement les réseaux sociaux sont souvent parasités, on va dire, par les forces obscures de la rumeur, des fake news, etc. Mais je crois que le collectif va se reconstruire dans le virtuel, mais de façon totalement différente et avec des formes qui restent effectivement à inventer. Alors il y a les éditions Geffir qui nous suivent manifestement et qui nous signalent que un livre qui s'appelle Anacalypse de Sandrine Scardilli qui apparemment propose justement du collectif et de la révolution pan-européenne en préparation, voilà, qui est sorti en 2017. Donc je le cite parce que je ne l'ai pas lu, mais du coup voilà, peut-être que un mot, vous connaissiez les uns les autres, Yannick Rumpala ? Du tout. Non, je connaissais pas, mais on en retrouve, hein, par le passé, enfin pour avoir retravaillé aussi sur Écotopia d'Ernest Kallenbach. Voilà, c'est dans l'histoire récente, à mon avis, une des explorations les plus intéressantes, enfin pour ce qui me concerne, ou les sujets que je touche, de tentative de reconstitution de formes de collectif, et pour le coup à l'écart du modèle dominant qui était le modèle américain dans Écotopia de Kallenbach. Donc je reviens à ma question de tout à l'heure, Yannick Rumpala, sur Horde et Décombreux du Monde, qui est votre ouvrage sous-titré Écologie, science-fiction et éthique du futur. Parlez-nous un peu, justement, moi je suis intéressé par ce point de départ, parce qu'effectivement la climate fiction, la cli-fi comme on l'appelle maintenant aujourd'hui, est devenue c'est répandue, puisqu'elle répond évidemment aux angoisses actuelles d'apocalypse environnementale. Quel est le point de départ de ce livre et qu'est-ce que vous avez cherché à traiter ? Le point de départ, c'était la difficulté à trouver des solutions aux problèmes environnementaux. Et l'hypothèse que j'ai faite, c'est que si on trouve pas solution, c'est aussi parce qu'il y a une espèce de fermeture des imaginaires, comme si nous n'étions pas capables de trouver des imaginaires alternatifs, et comme si nous étions engagés dans une voie unique qui était absolument incontestable. Et donc l'idée, ça a été de voir comment la SF à la fois réfléchit sur les enjeux environnementaux, Et elle y réfléchit, même si on le, même s'il faut faire un effort pour le dégager. Et puis essayer aussi de trouver des modèles alternatifs qui sortent de ces dystopies qui sont devenues absolument envahissantes, pour le dire franchement et brutalement. Moi, je suis aussi arrivé à un stade de saturation et de fatigue par rapport à cette quantité de dystopies, comme si plus aucun imaginaire était envisageable en dehors de ces dystopies. Alors, c'est pour ça que je consacre tout un chapitre, le troisième, à essayer de discerner ce que j'appelais des lignes de fuite, justement, qui puissent permettre de penser dans une forme d'ouverture des imaginaires. Et on essaie de typologiser en fonction de différentes variables, le technique, l'économique, le social, le politique, pour proposer en quelque sorte différentes trajectoires qui seraient explorables à l'écart, pour le coup, de ces dystopies. Et je vous renvoie d'ailleurs à la table ronde qui avait lieu dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne avec Olivia Gesbert sur la question « Les fictions climatiques vont-elles sauver la planète ?» Le podcast, on vient de vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc, Norbert Merjanian. Yannick Compala, allez-y, bien sûr. Pour compléter également, moi, ce qui me paraît important également dans la science-fiction, c'est sa dimension exploratoire, et notamment sur le... pour le dire de manière un peu pompeuse, sur une forme d'éthique des conséquences, qui serait également intrinsèquement présente dans la SF. Le fait que les explorations qu'elle construit sont toujours d'une manière ou d'une autre, donc non seulement de poser la question du changement social, mais poser aussi la question des conséquences des choix qui sont faits par des individus ou des collectifs. C'est pour ça que le terme éthique du futur, dans mon sous-titre, il est éminemment important, puisque la SF, de mon point de vue, elle est toujours une forme d'éthique des conséquences. Elle pose les conséquences de choix individuels ou collectifs. Si on fait tel choix en matière urbanistique, qu'est-ce que ça donne comme conséquence dans le confort de vie des populations? Si une collectivité choisit de s'engager dans des trajectoires technologiques, qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Donc du point de vue biotechnologie, du point de vue nanotechnologie, du point de vue intelligence artificielle, robotique, et il y a toujours une forme de présentation, de représentation de ce que pourraient donner des choix collectifs. Et à mon avis, c'est une des grandes forces de l'ASF, et c'est en ce sens-là que la problématisation qu'elle porte avec elle est extrêmement puissante. Il y a toujours une forme de réflexion sur à quoi mène ce que fait un individu ou des collectifs. Non, Jean-Nion, sur cette éthique des conséquences. Oui, complètement. Moi, mon premier roman, notamment évoqué par le thème climatique, au travers de la guerre, en fait, j'illustrais un monde de post-apo qui résurgeait de guerre climatique. Et ce qu'il y a en creux derrière cette idée, c'est qu'à partir du moment où on imagine une société qui technologiquement parviendrait, je suis dans un futur lointain là, parviendrait à maîtriser le climat, et bien ce que la société humaine a de plus probable à faire, c'est utiliser cette technologie pour se faire la guerre. J'aimerais, on arrive dans les dernières minutes de cette émission, j'aimerais vous faire entendre la voix d'un autre auteur, d'un grand auteur engagé qui a écrit des grands romans politiques à la fin des années 70 et des années 80, pour vous interroger justement sur la notion de ces auteurs de science-fiction qui ont été des grands porte-voix de la politique engagée. Écoutez, Norman Spinrad, c'était au festival Les Utopiales à Nantes en 2017. There's a thing that Macron and Trump knew. Macron et Trump, ils savaient quelque chose. Peut-être pas consciemment, Macron, oui. Mais Trump, non, mais c'est que l'âge d'un système biparti ou multiparti, la démocratie électorale, en fait, c'est terminé maintenant. C'est fini. Parce que Trump, en fait, il a utilisé Twitter et tout ça pour se faire élire. Macron a créé son avatar personnel qui n'était pas vrai, qui était faux. Et il s'est fait élire, il a créé un nouveau parti en 5 minutes. Trump, il a repris un autre parti, tout simplement, donc voilà. Bon, je n'ai pas écrit quelque chose là-dessus, tout à fait, mais c'est... C'est une démocratie post-parti que nous vivons actuellement. La démocratie électorale, en soi, est en danger. Natacha Vazder, une réaction à cet extrait tiré de l'interview de Norman Spinrad dans La Méthode Scientifique. C'était décembre 2017. Oui, je pense complètement à un roman qui est Globalia de Jean-Christophe Ruffin. Alors je ne sais pas si c'est un roman plutôt à gauche ou plutôt à droite, comme nous l'avons signalé tout à l'heure, mais c'est un roman qui a été écrit en 2004 et qui justement met en scène la mort de la démocratie. Alors non pas parce que les gens ne votent plus, mais parce qu'ils votent trop. Et en fait, au bout d'un moment, le vote est totalement démonétisé, la politique est totalement démonétisée, et on aboutit finalement à une société où les citoyens n'ont absolument plus aucun levier de pouvoir sur les politiques, qui font à peu près ce qu'ils veulent. Mais par contre, on leur dit toujours, ah mais oui, mais il y a de la démocratie participative, un petit peu c'est comme les budgets participatifs dans nos mairies actuellement. Donc on vous a demandé votre avis, mais vous n'avez pas répondu, bon, etc. Voilà. Et donc c'est je pense que on risque peut-être d'aller vers cela, effectivement. Vous voyez, Globalia, hein, de Jean-Christophe Ruffin, c'est vraiment complètement l'illustration de ce que disait Norman Spinrad. Je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous disiez sur l'éthique de la science-fiction, à l'éthique du futur. Moi, je crois que la science-fiction, en fait, elle va déplacer la pensée vers peut-être un monde qui ne sera plus humain. Parce que si on regarde un petit peu certains scénarios justement écologistes de la science-fiction, moi, il y en a un que j'aime beaucoup, par exemple, c'est un roman de Jean-Pierre Andrevon, Le Monde enfin. Donc, qui a été commencé d'écrire en 1977, puis en 2001, où en fait l'homme disparaît suite à une pandémie. Donc c'est pas du tout climatique, c'est vraisemblable, et en fait, et bien tout simplement la planète continue le règne, les règnes animal et végétal, et bien continue sans lui. Ou encore, et bien Jean-Marc Ligny, par exemple, dans sa trilogie sur le climat, où là c'est complètement aussi l'illustration finalement des conséquences de nos choix. J'aimerais, puisqu'il nous reste quelques minutes, rapidement vous poser une question et faire un tour de table sur cette question rapide. Est-ce que finalement la science-fiction a perdu avec la mort de A.N. M. Banks en 2013 sa dernière grande voix, son dernier grand auteur engagé publiquement, Norbert Marajagnon? J'espère que non. Vous voyez bien ce que je veux dire. Moi, je pour revenir, alors je vais détourner un peu la question pour revenir aussi pour aborder la question du réaborder la question du collectif. L'auteur de science-fiction, c'est typiquement l'individualisme égotique forcené. Et ce qu'on a essayé de faire avec quelques amis auteurs, c'est de créer justement un collectif qui s'appelle Zanzibar et donc de dépasser ça, de dépasser l'idée que un seul individu puisse être un porte-voix. Et on travaille aussi à faire des on a au théâtre du Rond-Point le 16 février une ce qu'on appelait une perférence. On est cinq auteurs sur scène et on essaye de dépasser ce côté précisément très individualiste qui était assez cyberpunk. Et donc d'incarner une nouvelle science-fiction. On va mettre le lien sur cette performance, conférence, perférence, samedi prochain, samedi de la semaine prochaine, le 16 février au Théâtre du Rond-Point. Rapidement, une réponse à cette question, Yannick Rumpala, sur la disparition de Ian M. Banks. Ah mais moi j'adore, je trouve que c'est l'un des rares à avoir réussi à inventer une des dernières utopies politiques. Enfin, c'est même un nouveau régime qu'il a inventé par rapport à la classique typologie des régimes d'Aristote avec la monarchie, l'aristocratie, la démocratie. Il a réussi à inventer un nouveau régime qui serait, ce que j'ai appelé l'anarchie assistée par ordinateur. Et c'est très fort, quoi. Avec l'hypothèse que comment l'anarchie pourrait fonctionner, eh ben en recourant des intelligences artificielles et avec tous les ambiguïtés que ça peut comporter. Alors pour aller vite, puisque je vois que le temps passe, il en reste quand même des auteurs engagés qui proposent des positions politiques et des formes d'ouverture. Enfin, je pense à Ken MacLeod, un compère de Ian Banks. Je pense à Cory Doctorow, dans un autre genre, sur la culture du P2P et de la gratuité. Et on peut trouver quand même quelques exemples. Alors certes, ils ne sont pas majoritaires dans la proposition d'utopie, mais on peut trouver des formes de réflexion très très intéressantes malgré tout. Merci beaucoup. Voilà, désolé Natacha Vazder, désolé, c'est la fin. On arrive au terme de cette émission. Mais merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus parler et réfléchir ensemble à la politisation de la science-fiction contemporaine. Merci beaucoup Natacha Vazder, donc merci Yannick. Krumpala, je rappelle, hein, Hors des décombres du monde, écologie, science-fiction et éthique du futur, c'est chez Champ Vallon. Merci Norbert Merjanian, évidemment, l'ouvrage collectif au bal des actifs demain, le travail, c'est chez La Volte, mais on vous renvoie évidemment autour de Samarante, Trace Altitude Zéro dans votre collection de poches préférées. Merci à toute l'équipe de La Méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Céline Nozen et Léonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique. Dans les prochains épisodes de La Méthode scientifique, rapidement, lundi, nous parlerons des amphibiens et des petites grenouilles. Mardi, nous parlons de la symétrie CPT, l'image miroir de l'univers. Mercredi, il sera question de l'ARN interférent comme solution thérapeutique. Jeudi, pour la Saint-Valentin, nous vous raconterons l'histoire de la connaissance de notre cœur. Et vendredi, ce sera une table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. La science sur France Culture, ça continue demain à 16h avec la conversation scientifique du camarade Étienne Klein. L'éthique est-elle aussi une affaire de logique avec Ali Ben Maclouf? Nous, on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.